dépend de mon AX. Je suis plutôt branché sexe. Je vois des filles sans complexe passer devant mon objectif. Faudrait penser à la vidange. Le moteur chauffe, parfois s'emballe. Suffit à satisfaire le mal qui va copuler dans la fange. L'amour en voiture c'est permis, tant qu'il n'y a pas dans l'habitacle un sapin jaune qui sent le yak et qui fait vomir mon ami. Un sapin jaune qui sent le yak. Allez monter dans mon carrosse, le siège se baisse, faisons un break. Je baisse ton siège, je t'aime sans deck, tu remettras un coup de glace. Ton popotin sur le klaxon, ta mère, ton père pourraient nous voir. C'est sûr, tu vas piquer un phare, tes yeux s'éclairent, ça m'étonne. L'amour en voiture, c'est permis, tant qu'il n'y a pas dans l'habitacle un sapin jaune qui sent le yak et qui fait vomir mon ami. Un sapin jaune qui sent le yak. Dans mon automobile, hors d'âge, des femmes, je fais la collection. Nos esprits sont en connexion, pas très longtemps, je suis volage. J'ai tout misé sur ma mini, des jantes chromées, des sièges en sky. Sous la capote, c'est la bataille, on est quand même mieux dans un lit. L'amour en voiture, c'est permis, tant qu'il n'y a pas dans l'habitacle un sapin jaune qui sent le yak et qui fait vomir mon ami. Un sapin jaune qui sent le yak. Maintenant j'ai une Nevada et c'est un break, un vrai de vrai. Elle est toute grise, métallisée, c'est sûr un jour je la prendrai.